Rendez-vous tout l'été dans le 6-9 de l'été avec l'astrophysicien et écrivain Jean-Pierre Luminet pour un voyage à travers l'histoire de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, explication sur les comètes qui se baladent dans l'espace, se laissant apercevoir parfois à l'œil du terrien qui scrute le ciel. 4, 3, 2, 1, lift off. À des milliards de kilomètres de la Terre, d'innombrables blocs de glaces et de poussière gravitent lentement. Soudain, l'un d'entre eux se détache et plonge en direction du Soleil. Il se transforme en comète. Sa tête, à la taille d'une petite ville, constituée de roches et de poussière amalgamées par des glaces d'eau, de monoxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac. Sa chevelure, issue de l'évaporation des gaz volatiles, s'étire sur plusieurs millions de kilomètres dans le souffle chaud de l'étoile. Des milliers de comètes parcourent ainsi le système solaire en tous sens. Venant des périphéries lointaines et glacées, elles ont conservé leurs propriétés physiques et chimiques initiales sans être altérées. Elles contiennent donc des informations essentielles pour comprendre les origines de notre système solaire qui remonte à 4,5 milliards d'années. Par ailleurs, comme elles possèdent de l'eau en abondance ainsi que des composés organiques, les comètes ont peut-être apporté les briques fondamentales de la vie sur notre jeune Terre. Après sa naissance, époque durant laquelle elles ont fait pleuvoir un déluge d'eau et de feu. Ces vagabondes du ciel passionnent donc les scientifiques, au point que plusieurs missions spatiales ont été consacrées à leur étude rapprochée. La plus célèbre des comètes périodiques, la comète de Halley, revient tous les 76 ans dans les parages du Soleil, et donc de la Terre, le temps d'une vie humaine. Les plus anciennes observations à l'œil nu remontent à plus de 2000 ans par les Chinois. Lors de son dernier passage, en 1986, une flotte de 5 sondes spatiales ont été lancées à sa rencontre. 2 soviétiques, 2 japonaises et une européenne. Cette dernière fut élégamment baptisée Giotto, en hommage au peintre italien qui, inspiré par le passage de l'astre chevelu en 1301, l'avait représenté comme étant l'étoile de Bethléem dans sa fresque de l'Adoration des Rois Mages. Après un trajet de 150 millions de kilomètres parcouru en 8 mois, la sonde automatique Giotto a pu s'approcher à 600 kilomètres du noyau cométaire, en a déterminé la taille et la forme, une sorte de cacahuète sombre, et a confirmé sa nature physique, une boule de roche, d'eau et de gaz congelés. En 2004, ce fut au tour de la sonde américaine Stardust de plonger dans la chevelure de la comète Wild 2 et d'y pêcher quelques milligrammes de poussière qu'elle a réussi à ramener sur Terre 2 ans après. Leur analyse a montré la présence d'un acide aminé, la glycine, confortant la théorie selon laquelle les comètes ont pu contribuer à l'apparition de la vie sur Terre. En 2005, la sonde Deep Impact a largué un projectile de 400 kg sur le noyau de la comète Temple 1 pour étudier les débris soulevés par l'impact. Mais la mission cométaire à ce jour la plus prestigieuse est sans conteste Rosetta. Son objectif, déchiffrer les hiéroglyphes chimiques du système solaire primitif. Lancée en 2004, et après un périple de 10 ans, la sonde européenne s'est mise en orbite autour du noyau de la comète Tchoury, alors située à 600 millions de kilomètres du Soleil, l'accompagnant ensuite dans son approche pour observer son dégazage progressif et en étudier les composants. En novembre 2014, l'orbiteur a largué un petit atterrisseur entièrement robotisé, Philae. Premier objet à se poser sur un noyau cométaire, il a transmis de précieuses données durant 3 jours. Rosetta, elle, a poursuivi sa mission jusqu'à ce que Tchoury cesse de s'évaporer en regagnant l'espace lointain. L'agence spatiale a mis fin à la mission en septembre 2016 en faisant s'écraser l'engin sur le sol de la comète. Mais plus qu'une mission, Rosetta fut une moisson qui a permis de dévoiler toute la richesse chimique du petit astre. Les scientifiques mettront plusieurs années pour exploiter toutes les données. Mais d'ores et déjà, les premières analyses confirment que la comète Tchoury est riche en matière organique moléculaire semblable à celle présente sur Terre. Pour paraphraser le poète, c'est en suivant les bonds de la comète aux longs cheveux de flamme que Rosetta a soulevé un coin de voile cachant l'origine du monde. À demain. À demain, les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert.